d'exploration. Sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 96.9. C'est fou! Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Laurent Constantin nous expliquera un sujet qui a marqué l'actualité récemment. Et Marie-Laurence Audet viendra nous jaser de divertissement dans le loisir bien plus qu'un jeu. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce jeudi 15 janvier 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut Stéphanie. Allô. On accueille Laurent Constantin aussi dès le début de l'émission, de même pour jaser. Si jamais il y a quoi à dire, je vais pas l'interrompre dans sa façon de penser de moi. T'sais. J'ai une bonne opinion de toi, Mathieu Plante. Merci. On intervient en même temps les trois ce matin. Ouais, main dans la main, dans le froid. C'est ça. Comme les trois mousquetaires. Yeah, ou les trois lousquetaires. Parce que c'est le garou du campus. C'est vrai que des moustiques, ça fait moins winner. C'est vrai ça. Donc aujourd'hui l'émission, les amis, on va avoir à 8h Marie-Laurence Audet, c'est chronique Le Loisir bien plus qu'un jeu, comme tous les jeudis. À 9h, même chose, la formule continue avec le poste d'écoute, même si la semaine passée on avait changé ça un petit peu. Mais le poste d'écoute, ça reste le jeudi à 9h. Oui. Où tu explores la discothèque, la discographie. Mais c'est fou, ça c'est les disques qu'on a sortis nous-mêmes. Je pense que la discographie, c'est ce serait si on avait sorti des albums, je pense. Mais bientôt. Vous avez enfanté des albums? Oui, mais... entre les deux, on va faire autour de ça à sexe, mais ça devrait répondre là, la chronique de gadgets inutiles. Mais on va débuter l'émission avec Laurent Constantin. On l'a dit, c'est le loup. Là, il faut trouver un nouveau nom de chronique, là, parce qu'on n'a pas... On a changé un petit peu le concept, n'est-ce pas, Laurent? Ça va être difficile. Ouais. On va mettre ton intro, là, pareil, puis après ça, on va essayer de trouver un nom. C'est bon, ça? Hein? C'est parfait, ça. J'aime la formule. Chronique avec un nom à déterminer. Salut Laurent Constantin! Salut Mathieu Plante, salut Stéphanie Paradis. Allô! Yeah! Bon jeudi matin à tous les auditeurs. Bon jeudi! Jeudi! Jeudi, ok. Je pense que c'est un nouveau mélange entre lundi puis jeudi. Le jeudi. Non, moi j'aime pas ça, jeudi. La journée tu manges jeudi. Pas. Jeudi. Ah. On faut bien déjeuner avant d'arriver ici. Oui, deux œufs bacon. Oh! Bon. Donc, le loup-garou lui-même du campus, Laurent Constantin, qui a changé la semaine passée de chronique. Oui. On parle plus du campus. Non, on parle d'un peu partout sauf le canapé. Ouais. C'est un peu comme si le loup-garou s'était payé un voyage genre Access Pass avec Air Miles partout dans le monde. Ouais. Comme le loup-garou Next Australian Top Model. Ouais. C'est parfait ça. En tout cas, bref, on va essayer de trouver un nom de la fin de la chronique. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, là? Eh bien, on parle d'un sujet qui va intéresser nos auditeurs qui sont présentement au volant. Ou qui ont tout simplement une voiture qui consomme beaucoup d'essence. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont un Hummer en leur possession. Bien sûr! Fou de Hummer, comme dit le slogan. Fou de Hummer. Alors, je viens vous parler du prix du pétrole, de l'essence, okay, qui ne cesse de dégringoler. Eh boy! Alors, selon Gérald Filion d'ici Radio-Canada, la chute du pétrole, c'est l'enjeu économique pour 2015. OK. Parce que ça avait beaucoup d'influence dans la géopolitique, si on peut dire, à travers le monde. Donc, le pétrole, son prix, si on peut dire, sa valeur a chuté de plus de 50% dans la dernière année. Donc, au mois de juin, le baril de pétrole, souvent on dit le baril de pétrole ou le Brent. Le Brent, c'est une sorte de pétrole dans la mer du Nord. Là. C'est comme un peu le dollar américain ou la livre sterling. C'est comme un peu l'étalon or. Là. C'est ce qui représente bon, ben, c'est la, le Cabernet Sauvignon. C'est cela. Donc, on est passé d'un baril de pétrole à 115$ en juin. Et hier, sa valeur était de 48$. Méchante chute, ça. Ouais. Méchante chute, méchante chute. Donc, si on suit cette logique-là, le prix d'essence ne devrait pas être de 98 cents, 99 cents, comme on le voit présentement, mais plutôt d'un 64 cents. Quelque chose de quand même assez abordable, ouais, ça. Oui, oui, oui. Je dirais quelque chose qui rappelle les années 90. Genre. Oui, véritablement, c'est ça. En fait, le prix du pétrole n'a jamais été aussi bas depuis, en effet, peut-être les années début 2000, fin 90. On a atteint une très forte baisse aussi en 2008, au plus loin de la récession. Mais quand même, 48$, c'est quand même du jamais vu depuis très, très longtemps. Moi, j'ai été ému de faire le plein en bas d'un dollar parce que ça m'était jamais arrivé. Puis là, non, c'est vrai, moi non plus. Je me sentais bien, ouais. Ouais, mais j'ai non, une voiture depuis 2 ans et demi, peut-être. Ouais, ah, ben ça fait pas longtemps, là. Et non, c'est ça. Je me suis dit 99 cents, c'est fou. On fait des réserves. Mets-toi dans les poches, prends une gorgée. C'est moins cher que le 2 litres de Pepsi, là. C'est sûr. Surtout des dépanneurs. Ouais. Qui est l'endroit où on prend notre gaz d'habitude. Oh, ouais. Les autres, c'est des crosseurs. Justement, est-ce qu'ils devraient peut-être baisser le prix de tous les produits? Parce que là, évidemment, le shipping est moins cher parce que ça coûte moins cher le camion. Je vais y venir à la fin là, de ma chronique. Là. Tu me dépasses. Mais comment on peut expliquer ça, finalement, la chute du prix du pétrole? Bon, il y a différents facteurs. Là. Si vous vous souvenez, les cours d'économie que vous avez eu en secondaire 5... Non. Non. Je vais vous faire un petit récapitulatif. Là. L'offre et la demande. Ah, c'est à peu près le seul concept que... Oh, ouais. Mais ça fait de PIB aussi. Là. Produit intérieur brut, hein, c'est ça? On a vu ça avant secondaire 5, ça. Non, je sais pas. Oh, ouais. Genre au primaire. Tu te rappelles que. Sixième année. Tu te rappelles qu'elle a fait la demande en secondaire 5? Tu te rappelles de ça? Ben oui. La maternelle, on fait des ateliers, l'offre et la demande, et le PIB avec des petits cubes de construction. Des curpites. Je sais que le PIB, on a vu ça avant, là, parce que c'est quand même un concept plus simple, selon moi. Hein. Ah, moi, je m'en rappelle sur tout ça d'économie. Mais on fera pas un débat parce que. C'est pas sur le sujet de toute façon. C'est pas sur le sujet. Donc, comment on peut expliquer ça? Eh bien, premièrement, la production de pétrole ne cesse d'augmenter. On parle ici de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui représente des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Irak, l'Iran, la Libye, l'Algérie, le Koweït, le Qatar, le Venezuela. Tous des pays qui sont des grands producteurs de pétrole, mais aussi surtout des grands exportateurs de pétrole. Donc, c'est pas tous les pays producteurs, parce que la Russie n'est pas là, les États-Unis non plus, ni le Canada. Ben, eux, ils refusent de réduire leur production dans le but de pousser les Américains à ralentir leur développement pétrolier. Parce que le pétrole qu'on produit en Arabie Saoudite, ou les Émirats Arabes Unis, ou dans certains de ces pays-là, coûte beaucoup moins cher à produire que celui aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, ils se disent, en augmentant notre production, qui coûte peu cher, eh bien, on va empêcher les projets pétroliers des États-Unis qui, eux, coûtent beaucoup plus cher à se développer. Aux États-Unis, on voit beaucoup l'émergence du pétrole de schiste. Donc, ici, on parlait des gaz de schiste, mais ici, là-bas, ils ont des pétroles de schiste, donc ils vont par fracturation dans les roches, dans les pierres, récolter du pétrole. Ils font un peu aussi la même chose pour le gaz naturel. Et même chose pour le Canada, avec les sables bitumineux, ça coûte très cher à produire du pétrole issu des sables bitumineux. Donc, la baisse du pétrole empêche, si on peut dire, cette production-là. Donc, il y a un côté qui dit que c'est peut-être un complot de l'OPEP, justement, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. La hausse de production en Irak, en Iran et en Libye, maintenant, il s'en fait un peu partout, du pétrole, justement, le pétrole de schiste américain que je vous parlais, le sable bitumineux, il s'en fait en Norvège aussi. La Libye, qui était un pays qui était très, très instable dans les dernières années avec des guerres civiles, là, il y a un retour, justement, à la production de pétrole, ce qui fait en sorte que, ben, finalement, il y en a plus sur le marché qu'on en a réellement besoin. Donc, tout ça, ça continue, ça contribue à une offre qui grimpe beaucoup plus rapidement que la demande. Okay. Donc, on a trop de pétrole. Tellement que tous les pays font du pétrole, on en a trop. pas trop ce qu'on en consomme, mais la consommation n'augmente pas aussi vite que sa production. Donc, on dit que la croissance de la demande n'atteint même pas 1% actuellement. Wow. Donc, il y a beaucoup de répercussions à l'international. Donc, le Venezuela, qui est un grand producteur de pétrole, là, qui est un État plutôt socialiste, qui est vraiment beaucoup dans le pétrole, a des problèmes. La Russie aussi a des problèmes pour plusieurs raisons, des embargos économiques et tout plein d'autres choses. Mais la Russie est en pleine crise économique en ce moment. La valeur de l'argent est en chute libre. Et ben, ils ont des problèmes parce que c'est un très grand producteur de pétrole. Et ben, les gens, vu qu'ils ont un peu fermé les portes à la Russie parce qu'ils ne respectent pas plusieurs choses, dont envahir des pays aussi facilement que ça. Mais on leur dit, votre pétrole, on va l'acheter ailleurs. Donc là, ils sont pognés avec. Et la deuxième raison qui peut expliquer la baisse du prix du pétrole, c'est l'essoufflement de la chaîne. Là, on dit, ah ben, soit okay, l'offre et la demande. Donc, si l'offre est élevée, il faut nécessairement que la demande soit élevée pour que la valeur. Là, actuellement, l'offre est très élevée. La demande ne baisse pas. La demande, c'est plutôt que elle n'est pas en croissance autant qu'on le croyait. Donc, la Chine, on se dit, yes, la Chine, ça grossit. D'autres pays du BRIC, par exemple, le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, tous des gros pays qui sont des consommateurs de pétrole, on se dit, yes, ces États-là, ils grandissent, vont donc consommer de notre pétrole. Mais oui, ils en consomment, mais la croissance n'est pas à ce qu'on s'y attendait. Donc, un ralentissement de la production industrielle en Chine. Parce qu'il y a moins de consommateurs aux États-Unis, au Canada, ben, la Chine produit beaucoup de produits manufacturiers pour ces pays-là, pour des grands pays et l'Europe aussi. C'est le deuxième plus gros consommateur de pétrole brut au monde et sa croissance cette année ne va être que de 7,5%. Vous aviez, est-ce qu'on s'attend des fois à des 10-12%? Mais bon, on dit n'est que 7,5% au Canada. La croissance économique, savez-vous, elle va être de combien cette année? Moins quelque chose, là? Non, mais non, il y a quand même une croissance, là, mais depuis quelques années, ça joue tout le temps entre le 1 et le 2%. Donc, Go Canada, we're number one! We're number one! Donc, la progression ne suit pas. Ben ça, la demande ne suit pas l'offre. Donc, c'est pour ça. Comme si Guy Mongrain demandait aux gens de voter entre l'offre et la demande. L'offre et la demande. Tu sais, comme papa. L'œuf ou l'enveloppe. C'est clair qu'on prend l'œuf. C'est ça. Donc, tout ça, c'est des choses qui expliquent la baisse du prix du pétrole. Donc, une demande trop élevée, une offre. Une offre qui est trop élevée, une demande qui répétisse. Et il y a beaucoup de gens aussi qui vont dire que c'est tout simplement un complot des pays pétroliers qui veulent justement tenir ça artificiellement bas pour. Eux, ils continuent à se faire de l'argent et les autres pays ne s'en feront moins. Le complot constantin. Le complot constantin. Ou, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'avais tantôt? J'avais aussi. Constipation constantin. Non, c'est pas ça. Pas d'accord. Non, il n'y a pas ça. C'était Constantin International que j'avais aussi. Constantin International. Non. Non. Bon, on va continuer ma chronique. Okay, on reviendra là-dessus. On va cogiter. Tout ça a beaucoup de répercussions sur l'économie canadienne. Puisqu'on a des provinces comme l'Alberta et Terre-Neuve qui sont des économies qui sont très concentrées sur la ressource qu'est le pétrole. Donc on s'attend que quand le pétrole vaut cher, l'Alberta nécessairement va bien aller. Ça va être une vache à lait, si on peut dire, le pétrole. Terre-Neuve aussi, ça représente le tiers de ses revenus, le pétrole. Et en bas de 80 ou 90 $ le baril, plusieurs nouveaux projets ne sont pas rentables en Alberta. Donc, il y en a qui se font actuellement dans les sables bitumineux qui sont rentables, mais ça ne vaut pas la peine d'en développer davantage. Donc, tous les gens qui s'en vont en Alberta présentement pour aller travailler, parce qu'ils se disent, yes, l'Alberta, c'est la manne, là, il va toujours avoir de l'emploi, des emplois payants, mais c'est peut-être pas le bon moment en ce moment d'y aller. Ils vont peut-être même couper des postes en se disant, ben, on avait comme projection avec un baril de pétrole qui frôle le 120 $, que go, on y va. Mais non. Il va y avoir moins de production de pétrole en Alberta parce que le baril ne vaut pas cher et ça coûte cher à produire en Alberta. Ça peut aussi baisser la valeur du dollar canadien. Donc, on considère souvent que le dollar canadien est de plus en plus un pétrodollar. Donc, un dollar qui change, qui fluctue beaucoup selon le cours du pétrole et des différentes ressources naturelles. Donc, si les ressources naturelles et le pétrole vaut cher, bon, l'or, ben, le dollar canadien va valoir beaucoup. Et sinon, ben, là, il y a une chute. Donc, le dollar canadien descend tranquillement. Notre pétrodollar, là, ça, c'est quand ils me donnent une demi-lune gratis ou genre deux cafés pour une pièce. Là, ça, c'est le pétrodollar. C'est un bon petit May West. Ouais, ouais, ouais, je m'en rappelle de petit. May West, j'avoue, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un May West. À l'époque, les Air Miles n'existaient pas. C'est ça. On peut s'attendre à un budget déficitaire. Donc, Joe Oliver, le ministre des Finances canadien, a dit « Ah, mais on s'attendait à beaucoup de surplus. » Mais là, vu que le pétrole fait moins d'argent, puis que notre économie est peut-être un peu trop concentrée sur le pétrole, peut-être que ces revenus-là, finalement, vont s'évanouir, vont disparaître, et on va devoir être encore dans un budget déficitaire. Mm. Donc, nécessairement un budget déficitaire des provinces qui ont de moins en moins d'argent. Ça peut aussi avoir un programme de péréquation qui est moins grand. Donc, moins d'argent pour le Québec, si on peut dire, dans l'état actuel de notre économie, bien entendu. On parlait d'un pipeline depuis à peu près un an, au moins. Énergie Est. Est-ce que dans un pétrole qui vaut si peu cher, est-ce que c'est encore d'actualité de parler d'un pipeline? Peut-être que de passer du pétrole de l'Alberta jusqu'au Québec, finalement, ça n'existera pas pour les prochains mois, prochaines années. Disons que ce n'est pas une priorité. Hein? Non, ce n'est pas une priorité, même qu'il y a des bateaux qui partaient de Sorel, qui partaient ensuite vers l'Europe ou d'autres États, plein de pétrole, mais ces pétroliers-là ont arrêté de justement se promener sur le fleuve parce que ça ne valait même pas la peine qu'ils se déplacent parce que le pétrole ne coûtait pas assez cher pour ce qu'il valait vraiment. Le prix du pétrole, est-ce qu'il va rester bas à long terme? Ben, excusez-moi, si le prix du pétrole reste bas à long terme, ça redevient bon pour le Québec, parce que le Québec n'est pas un producteur de pétrole, est plutôt un consommateur de pétrole. Et les entreprises et les consommateurs qui consomment, ben, les entreprises, nécessairement, leur production vont peut-être pouvoir augmenter parce que ça va coûter moins cher produire ce qu'ils ont à faire si leur machine fonctionne au pétrole, à l'essence. Et les consommateurs vont peut-être pouvoir voyager plus ou du moins avoir plus d'argent dans leur poche pour ensuite faire des achats qu'ils n'étaient pas tentés de faire quand l'essence était à 1,50 par exemple. Voilà, est-ce que ça devrait durer? Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que le prix de l'essence soit encore à 99 cents dans les prochains mois? Tant que l'économie mondiale va être au ralenti, oui, on peut s'attendre à ce que le prix du pétrole soit aussi bas parce que les gens en vont moins en consommer et la production va continuer à être très, très haute. Tant que les pays exportateurs vont en produire autant, parce qu'il y en a qui se disaient auprès de l'OPEP, ben, on pourrait peut-être se donner des quotas pour dire ben, on va réduire notre production. Et ainsi, si on réduit notre production, ben, la valeur augmente parce qu'il y en a moins d'une certaine façon. Là. Ben, ça pourrait le faire réaugmenter, peut-être pas autant que à 120 $ le baril, mais du moins plus que 48 $ le baril. Les coûts de production qui vont en augmentant n'auront pas le choix aussi de faire remonter le prix du pétrole parce que du pétrole qui est rentable à 48 $ du baril, il n'y en a pas tant que ça à travers le monde. Il y a beaucoup de compagnies pétrolières qui vont tirer un petit peu la sonnette d'alarme en disant non, ça peut pas continuer à 48-50 $ le baril parce que personne n'est rentable. Il y a certains pays seulement, si on peut dire les pays arabes, la péninsule arabique, qui vont continuer à pouvoir en produire de façon rentable. Là. Surtout, c'est une question de petits salaires aussi qui joue là-dedans. Mais faut comprendre que le prix va augmenter parce que les gens pourront plus en produire tout simplement du pétrole. Et ça dépend aussi de la capacité des pétro-États à le maintenir artificiellement bas. Donc actuellement, on ne sait pas si en Arabie Saoudite, ça vaut vraiment la peine que le prix du pétrole soit 50 $ parce que oui, ils peuvent continuer à le produire, mais ils font beaucoup moins de revenus, beaucoup moins de profits. Donc jusqu'à quel point ces pays-là qui produisent beaucoup de pétrole, on dit que l'OPEP, c'est à peu près le tiers la production, c'est quand même pas beaucoup, mais ils détiennent quand même une bonne part de marché. Ils détiennent aussi le pétrole qui est le moins cher à produire. Donc, est-ce que ces pays-là, donc comme l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, est-ce que ces pays-là vont réussir à maintenir le prix bas ou ils vont devoir lâcher sous la pression et accepter que les États-Unis peuvent aussi être de grands producteurs et exportateurs de pétrole. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les prochains mois. Ils vont devoir relâcher leur gaz. Comment on dit ça? C'est prendre notre gaz égal. Oui, c'est ça. Ouais. Prendre ton bain sur la lune. Vas-y, vas-y, réveille. Watatata, non? Les crimes, non? Eh non, j'ai pas écouté Watatata quand j'étais jeune. Je suis désolé. Je suis désolé, Mathieu. C'est pas dans ma culture. Je reste là, comme je disais à mes amis quand j'étais jeune, non, excuse-moi, j'écoutais pas Watatata et ensuite j'ai pas écouté Ramdam. Ah ouais, pourquoi c'était super bon? Ouais. Caméra 3. J'avais le câble, non, c'est ça. J'avais le câble, j'avais Vrac TV, j'avais la famille. C'est ça, moi j'avais une amie qui m'appelait à toutes les fins de semaine. Hey, t'as-tu écouté Bulldog Bazaar un matin? Non, j'aime pas ça. Ah, c'est vrai que c'est normal que t'aimais pas ça, c'était pas drôle. Ça a dû durer facilement un an où elle m'appelait tous les matins. Hey, t'as-tu vu ça à Bulldog Bazaar? Et là, elle me le racontait. OK. Comme si ça m'intéressait. Ah. Si ça m'intéressait, je l'aurais écouté. Vas-y, Molo, peut-être, hein? Là, mais pas Bulldog Bazaar. Vas-y, Molo, c'était bon. Vas-y, Molo. Ouais. Non, non, c'est, non j'ai, moi je regardais Canal Famille. Okay. Ah, un peu Télé-Québec là, avec Bumbo, mais moi, à part. J'ai adoré Bulldog Bazaar. Ouais. Ah, savez-vous que dans la première saison de Bulldog Bazaar, là, Martin Petit et Didier Lucien étaient les deux co-animateurs. Hey, ouais, je savais qu'il y avait Didier Lucien, mais Martin Petit, je savais pas. Ah, ben. Moi, ben, il y avait comme un mohawk à l'époque, c'est spécial. Oh, j'imagine. Ouais. Mais je pense que je serais curieuse de revoir ça aujourd'hui, probablement avec un œil nouveau. Probablement, encore plus jugeant, genre. ouais, probablement. Du budget, ouais, de exact. Tout ça. Laurent Constantin, t'as utilisé le mot concentré dans ta chronique, je me disais concentration Constantin. Concentration, hey, t'aimes ça, Madeleine? J'aimerais mieux concentré que concentration. Concentré. Tu sais, l'information en concentré, il me semble que c'est mieux. C'est pas mauvais, ça. C'est pas mauvais. Un concentré? Concentré. Constantin. De Constantin. Ouais. Concentré, consanguin. Hop là, non. Consanguin, non. Concentré de Constantin. Hein? Ouais. Constantin fait de concentré. Constantin fait de concentré. Ah, je sais pas, on préfère une chanson thème. T'écris en petit caractère en dessous, sans pulpe. Sans pulpe? On préfère une blague si c'est le matin, là, un bon petit jus d'orange, un bon petit Constantin. Oui. Comment ça va aujourd'hui? On dort là-dessus pendant une semaine. On va en hibernation. Fait de concentré. Fait de concentré. Fait de concentré. On va y penser. Il y a quelque chose, il y a un filon là-dedans quelque part. Ouais. Popé. Donc jeudi prochain à 7h30. On s'en reparle. On s'en reparle. Merci Laurent Constantin. Bonne semaine. Bonne semaine. De toute façon, je reste là comme d'habitude. Ah good. Puis bon gaz puis tout ça. Merci. T'sais. Je sais pas si t'es rendu là avec nous autres de péter dans le studio, mais non! Non, ça va provoquer une explosion encore. Ouais, exact. C'est le moment d'écouter Mauve. Ah! Oh! Avec Ruel. C'est donc une bonne idée, ça. Comme les voitures vont dans les ruelles, tout ça, puis qu'on a parlé de gaz, je me disais, c'est approprié. C'est assemblage Ricky. Ça, c'est fou. formation Mauve et la pièce Ruelle sur leur nouvel album Le Fond du Soir à Assemblage. Oh, j'aime ça, Mauve. Ah, c'est bon. Mauve. C'est pas ma pré- ben, c'est drôle que tu dises Mauve, j'allais justement pour vrai faire le même gag. J'allais dire la même chose. Ah? Mauve. Mauve. Mais oh, je pense qu'on est trop pareils. Non, c'est pas ça. C'est pour ça qu'on s'abstient souvent. Oh! Au retour, la gang de Marie-Laurence Audet. Une loisir bien plus qu'un jeu à Assemblage. Fou de changement. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour à Assemblage requis en ce jeudi matin 15 janvier. Stéphanie Paradis. Mathieu Blanc. On a gardé Laurent Constantin. Oui. Oui. On le laisse plus partir. Non. On l'attache dès son arrivée. Ben, la porte est barrée, venez m'ouvrir. Il est un peu kinky, c'est pour ça qu'on le menotte. Dès son arrivée en studio, il fait sa chronique les mains dans le dos. C'est tellement facile pour lui. Il est tellement naturel là-dedans, il fait ça les doigts dans le nez et les mains dans le dos en même temps. Ah, c'est pris qu'il est hot. Je sais pas comment il fait. Je sais pas tout ce qu'il peut faire avec ses doigts-là. Des doigts longs. Des doigts longs, t'as des doigts très. Ah, mais ça c'est bizarre, je veux pas savoir ça. Alors, on accueille Marie-Laurence Audet, voici le loisir bien plus qu'un jeu. Marie-Laurence Audet, bonjour! Bon matin! Ça va bien? Oui. Tu me regardes avec un air furtif, louche? Non. Pas qu'il louche, là, tu louches pas. Je louche pas. Clairement pas, mais tu me regardes comme si t'avais quelque chose à me dire, comme sur un sujet de loisir, mettons. Oh que oui! Oh, mais dis-moi en plus, alors! C'est ça son air coquin. Quel hasard, je suis justement ici pour vous en parler. Incroyable, mais vrai! Oui, pis c'est basé, en fait, le sujet de la chronique d'aujourd'hui qui va porter sur l'évolution du temps libre. Je me suis beaucoup inspirée de ce que j'entends toujours autour de moi. J'ai pas le temps, pas le temps. Quand on demande du monde de faire des affaires, là, c'est toujours l'excuse. Ouais. Vous l'entendez des fois? Ouais. Pas le temps. Oui. Ben ouais, tu l'utilises aussi souvent. Ouais. Je parlais de Mathieu. Moi, je l'utilise souvent. Non, mais de tout le monde. Le gars qui s'appelle Léopold Tanguay, mettons, il l'utilise tout le temps parce que quand il dit son nom, Léopold Tanguay, quand tu dis c'est Léopold Tanguay, quand tu dis Antoine, c'est Léopold Tanguay. Oui! C'est un gag de Marie-Laurence, de t'es venue nous parler de... Vous connaissez pas Léopoldine dans Télépirates? Laissez faire. Trop jeune pour moi. Trop jeune. Vraiment trop jeune. Moi, je le connais pas. C'est drôle. Ouais. C'est ça. Le public, il trouve peut-être pas ça drôle s'il sait pas de quoi tu parles. Ben, laissez donc faire. Ben, mon Dieu, je sais de quoi qu'il parle, moi. Je trouve pas ça drôle pareil. Mais tu vas être toujours contre moi, fait que... Normal, ça. Normal. C'est bien. C'est ça. Donc, Léopold Tanguay, il y a pas le temps. Donc, par le fait que j'entends souvent « j'ai pas le temps » comme excuse autour de moi. Ben, ça m'a fait penser, ça serait le fun de faire une chronique sur le temps libre. Puis là, à force de faire des recherches, j'ai trouvé des choses sur l'évolution du temps libre. Puis, le bulletin de l'Observatoire québécois du loisir, comme je vous parle souvent de l'Observatoire québécois du loisir, il y en a un qui portait sur cette évolution-là, mais en comparant les données du Québec, de la France et des États-Unis. Ah. Donc, c'était vraiment intéressant parce que c'est toutes des réalités différentes, mais il y a des ressemblances et des divergences marquantes. Donc, c'est là-dessus que ça va porter aujourd'hui. Les données qui ont été ressorties, parce que c'est gros comme étude, c'est sur des données de 86, 92, 98, 2005, 2010. On a pris 5 années de données statistiques. Puis, juste pour vous montrer le nombre de répondants, en France, on parle de 15 000 personnes, puis aux États-Unis, de 17 000 personnes. Donc, c'est une étude qui est vraiment significative dans ses résultats. Puis, on peut vraiment voir des éléments ressortir. Donc, comment ça a fonctionné? C'est qu'il nous explique d'abord que pour évaluer l'évolution du temps, il faut prendre en considération tout d'abord un 24 heures d'une journée. Donc, tous les éléments qui le composent, ça, c'est-à-dire les activités principales, l'heure que ton activité commence, son heure de fin qui marque le début d'une autre parce que tout s'enchaîne dans une journée, les lieux où se passent les différentes activités qui marquent ta journée, ainsi que les personnes qui s'y trouvent. Donc, ça, c'est les éléments qui sont pris en considération dans, quand on regarde un 24 heures. Ensuite, ils disent on regarde une année par personne, parce qu'on veut pas que ce soit biaisé, semaine, fin de semaine, ou une saison qui fait en sorte que oh, j'ai plus de temps libre l'été, ben oui, je suis en congé l'été, ou oh, c'est, j'ai plus de temps libre la fin de semaine. C'est vraiment basé sur une année complète, donc beaucoup moins de biais à cet effet. Donc ça, c'est de la manière qu'ils ont procédé. Concernant les comparaisons, c'est vraiment intéressant. Tout d'abord, on compare la France avec le Québec. Le Québec est notre point central. On compare le Québec avec la France. On remarque que en France, ils ont beaucoup moins de temps de loisirs, ce qui équivaudrait à peu près un 3 heures de moins par semaine, chaque personne, parce que dans leur priorité d'utilisation du temps, le sommeil, les tâches ménagères et les repas prennent plus de place, particulièrement les repas en France. Mmh. On remarque que peut-être que certains le considèrent comme un loisir, mais le temps passé autour de la table, le temps passé avec le niveau alimentaire est beaucoup plus marqué. On sait qu'il me semble qu'on entend dire que les Français sont plus sociaux sur leur souper. Ils vont souper très tard. Mais ils vont faire des soupers tard, ils vont faire des soupers qui durent beaucoup plus longtemps. Avec des gens. Et les repas vont souvent devenir un prétexte de rassemblement au final. Donc peut-être que c'est une des manières dans lesquelles ils passent leur temps de loisir. Mais le temps qu'on dit libre après toute obligation est beaucoup moins grand puisqu'on considère les repas plus dans une portion obligatoire dans une journée. Je pense que le vin sort directement du robinet là-bas, c'est plus facile, Lex. Puis, mon rêve. Toujours Québec-France. Toujours Québec-France. Le temps passé pour sport et activité physique par semaine serait équivalent. Puis, ça, c'est l'effet marquant Québec-France. Concernant Québec-États-Unis, il y aurait beaucoup, une heure de moins que les Américains passeraient par semaine pour faire de l'activité physique que les Québécois. Non. oui. Non, mais c'est la science qui le dit. Là, c'est pas juste nous en regardant la TV. Là, qui ça peut rien dans la face. Mais en parlant de TV, eux, ils passeraient 4 heures de plus par semaine devant la télévision que les Québécois. C'est énorme. Surtout donc, si on compare, maintenant, si on se dit qu'un Québécois moyen regarde la télé autant que moi, c'est vraiment beaucoup si c'est 4 heures de plus. Oui, parce que toi... C'est pas la représentation moyenne du Québécois qui écoute la télévision. On le sait pas. On sait pas. On va peut-être le dire tantôt. Hein. Ah, OK. Ah, t'as des chiffres là-dessus. J'ai plein de chiffres. Écoutez, on peut même jouer au bingo matin. 14, 16, 32. Fais ce que tu veux avec ça. Donc, on dit que la France, c'est marqué par le temps de repas. Les États-Unis, la télévision. Et si on compare le Québec avec les autres provinces dans le Canada, on remarque qu'il y a un déclin du temps de loisirs qui a commencé en dehors du Québec. Fait que si on regarde le Canada en entier, la perte de temps libre a commencé en dehors, dans les autres provinces, puis s'est rendue au Québec. On est dans les dernières provinces. On est souvent en retard, mais là, c'était positif. Donc, au Québec, on regarde beaucoup plus la télévision que les gens du reste du Canada. Puis, les autres provinces, eux, ils passent plus de temps au niveau, quand on parle de vie associative, donc l'implication communautaire. Maintenant, sont meilleurs que nous autres, ça, tu veux dire? C'est des tendances, c'est pas positif, c'est pas négatif. Ouais. Là, c'est des tendances, des éléments qui ressortent. Ensuite, justement, concernant ces grosses tendances-là, on disait que le temps consacré à la vie associative était plus basse au Québec, plus basse en France, mais beaucoup plus élevé aux États-Unis et dans les provinces hors du Québec, dans le Canada. Et ça serait marqué beaucoup par une culture anglophone, que cette participation citoyenne-là, cette participation communautaire-là, serait beaucoup plus dans leurs valeurs, dans leurs mœurs, dans leurs habitudes. Donc, on le remarque, comme je disais, États-Unis et provinces hors Québec, cette implication communautaire. Concernant ensuite le temps de loisirs hebdomadaires, il y a une stabilité aux États-Unis depuis plusieurs années, tandis qu'en France, il y aurait 3 heures de moins qu'aux États-Unis par semaine, puis au Québec, 2 heures de moins qu'aux États-Unis. Donc, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif qu'il y ait une stabilité aux États-Unis, je ne sais pas, mais nous, on est en déclin de temps libre qu'on peut consacrer aux loisirs. On a, de 1950 à 2000, donc vers la deuxième portion du 20e siècle, on a considéré que c'était l'âge d'or du loisir. Ce que ça veut dire, ça, là? Grand-papa loisir. Ça ne veut pas dire qu'il y avait plus d'aînés, là. Ça veut juste dire que le loisir a atteint un certain apogée, un certain sommet dans ces années-là, qui fait qu'on était beaucoup en augmentation du temps libre, en développement du loisir, même que souvent on utilisait l'expression « civilisation du loisir » qu'on considérait qu'il approchait à grands pas, qu'on voyait et qu'on prévoyait en fait que les gens auraient de plus en plus de temps libre et de moins en moins de temps de travail. On se disait que ce serait le fun, peut-être qu'on finirait avec 3 jours semaine à travailler, 4 jours de repos, donc plus d'activités, plus de divertissement. C'est de même qu'on voyait ça vu l'évolution du temps libre entre 1950 et 2000. Maintenant, ce n'est qu'un rêve, tout ça. C'est maintenant un rêve parce que depuis une dizaine d'années, on remarque non seulement une stabilité, mais un léger déclin dans le temps libre. Et c'est beaucoup marqué par le fait que cette évolution du temps-là, les gens se sont dit à un moment donné, OK, je mets d'autres priorités que le travail. Tu sais, contrairement par exemple à nos grands-parents qui travaillent beaucoup, beaucoup pour survivre, on s'est ramassé dans un temps où est-ce que, mettons, nos parents auraient pu dire, OK, là, je priorise la famille, ce qui était leur intention, mais avec plus de temps libre, se sont ramassés à dire, moi, je vais me prendre une deuxième job. Donc, il y a beaucoup de gens... Tellement pas mon genre. Oui, mais là, je vous parle vraiment d'un clash de trois générations. Je vais stéréotype avec grands-parents, parents, on n'a pas tous le même âge, là, mais nos grands-parents n'avaient pas le choix de travailler pour survivre. Nos parents, avec les conditions de travail, avec les différentes conciliations, se sont dit, je veux pas mourir à la tâche comme mes parents, je vais prendre d'autres priorités. Mais se sont retrouvés avec trop de temps libre, pas assez de connaissances de la cause et ont finalement réinvesti dans le travail. Et notre génération essaie justement, encore une fois, est-ce qu'on va réussir, je sais pas, de s'en sortir, de revoir certaines priorités, conciliation et tout. Il y a même des éléments qui nous ramènent souvent beaucoup plus au mariage que nos parents, qui nous ramènent à des valeurs traditionnelles comme nos grands-parents, mais avec des conditions de travail comme nos parents, avec lesquelles on essaie de prioriser les conciliations. On est souvent la génération qui disent des pots cassés aussi, donc qui ont vécu la majorité des divorces qui étaient la génération de nos parents. Souvent, les gens disent qu'ils veulent pas le reproduire. T'sais, on est vraiment retourné aux valeurs traditionnelles avec des conciliations actuelles. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on peut encore rêver que dans une trentaine d'années, ça va être une civilisation du loisir? Personne ne le sait. Mais pour l'instant, il y a une stabilité et un mini-déclin concernant le temps qu'on consacre au loisir. On préfère ou on n'a pas le choix de le consacrer au travail. Ensuite, concernant les tendances du temps consacré aux activités physiques et au sport au Québec, on est constamment plus élevé qu'en France. Puis, le Québec fait plus de sport et d'activités physiques dans ses temps libres que la France, les États-Unis et le reste du Canada. Donc, oui, on parle beaucoup de saines habitudes de vie, de problématiques d'obésité, mais reste qu'on est quand même dans ceux qui le pratiquent le plus dans nos temps libres. On peut quand même se faire un high five à matin. Quand même positif. Non, pas toi, Mathieu. En fait, un des éléments qui a été drôle, qui a été mentionné dans le sondage, c'est de dire, quand on vous parle de pratiques sportives et d'activités physiques, on exclut l'assistance à des matchs. Parce que beaucoup d'Américains, ça aurait fait une différence dans les résultats, parce que pour eux, cette perception-là de participation sportive, il y en a une partie qui est d'aller assister parce que t'es dans cette ambiance-là. Je suis allé au stade, je suis allé à l'aréna, je connais ça, moi, le sport, je connais toutes les stats par cœur. Fait que ton activité, t'as levé les bras, t'as crié. Sportif passif. Ouais. Oui, mais c'est sportif passif. Ça reste une activité dite sportive. On est dans le milieu sportif. Mais pas nécessairement meilleur pour la santé. Mais eux, en pensant au sport, ils se disent pas, j'ai-tu couru? Je connais ça, l'aréna. J'écoute la lutte deux fois par semaine. Quand ils écoutent The Voice. Entraînement. Quand ils écoutent The Voice, ils se pensent chanteurs en plus aussi. Tout ça, ils peuvent tout. Un petit essoufflant des fois. Ouais, vraiment. Maintenant, concernant la télévision, les Américains sont les plus grands télévores. Ils passeraient en moyenne 14-15 heures par semaine à écouter la télévision. Pas beaucoup. Et ça, c'est une moyenne. Ils font de la bonne TV, les Américains. C'est vrai, ça. Mais c'est ça. Ils achètent nos concerts. On en fait de la bonne aussi au Québec. Fait que nous autres, faut qu'on écoute les deux. Oui. Fait qu'il faut qu'on passe plus de temps. T'es-tu en train de dire au Canada, c'est plate rare, là? Ça, c'est un peu vrai, ben. Ouais, mais ils sont couchés tôt, de toute façon. Ah, ouais. C'est vrai. Parce que leurs bars sont fermés. Ah. Pas le choix. Oui. TV fermée, bon, fermez votre coucher. Non, il y en a de la bonne. Viking, c'est une grosse production de je sais pas trop où et du Canada. Ah, je savais pas ça. Ouais. Ah. Ben, c'est bon. Très bien. À moins de temps de Don Cherry, c'est moins de temps de télévision, j'imagine. Marlance, tu peux continuer. Ouais, c'est à ton tour. Ouais, mais c'est correct. Écoutez, on partage le temps d'antenne. Ben, c'est ça, là. Aux heures de grande écoute. Aux heures de grande écoute. Donc, nous saluons tout le monde qui est en voiture présentement. Allô. Allô. Et désolé. Pourquoi désolé? On les informe. Pour nous tous, sauf ça, hashtag lui, il n'y a pas là-dedans. Yahoo! En fait, on a remarqué aussi un élément qui était intéressant dans l'explication des tendances, c'est qu'on se fie à principalement une population dite active dans la société, qui est les 18-64 ans. On considère cette population active-là parce qu'elle est majeure et encore au travail. Donc, en bas de 18 ans, sont souvent à l'école, sous la charge de leurs parents, moins autonomes, et en haut de 64 ans, sont à la retraite. Donc, le temps est différent. 18-64 ans, tu travailles, t'es actif dans la société. Et il disait que concernant la population en général, 36 heures par semaine seraient utilisées pour les loisirs au Québec et au Canada. 33-34 heures aux États-Unis et en France. Ça, c'est toute population confondue. Mm-hmm. Si on prend juste, comme je vous disais, la réalité de la population active, on passe de 36 heures semaine à 28 heures semaine, Québec-Canada, et de 33-34 heures qui étaient en France et aux États-Unis à 25 heures. Donc ça, ces explications-là de variantes sont marquées par la population active versus la population inactive, et particulièrement au Québec, parce qu'on a une très forte population en dehors de cette population active-là. Donc ça vient, en guillemets, biaiser les données, parce que les 0-18 ans, puis les 65 ans et plus, ils en ont du temps, puis c'est eux des très grands consommateurs de loisirs, parce que quand t'as du temps, faut que tu t'occupes. Mmh. Le club de l'âge d'or actif, ben oui. Le club de l'âge, ben, c'en est une des preuves, mmh, là. Tu sais, juste pour le niveau de télévision, le niveau pratique d'activité sportive et autres. Puis concernant la population active, elle essaie de maintenir le plus de temps possible. Il y a vraiment un intérêt et une intention selon les données. Puis on essaie, comme je disais tantôt, de revoir les différentes priorités dans les valeurs sociales, surtout par rapport au travail. Mais reste que ton 35-40 heures semaine, tu dois le faire pareil. Fait que ça, des activités à faire, il faut que ça rentre à l'extérieur de ça. Après, tu as des enfants, il faut que ça rentre à l'extérieur de ces obligations-là. C'est une des réalités. Maintenant, c'est pas trop mêlant, hein, tous mes chiffres à date. Ah ben, non, ça va très bien. Puis j'allais dire qu'il fallait pas oublier les extrêmes. 18 ans et moins, 65 ans et plus, c'est eux qui font vivre Éric Salvaire. T'sais. Les jeunes enfants, quand ils aiment TV. Oui. Puis les vieilles personnes âgées quand ils écoutent V. T'sais. Ou Véronique Cloutier, peut-être un peu. Un petit peu aussi. Un petit peu. C'est vrai, ça. Faut pas les oublier. Ben, il y en a qui travaillent, qui l'écoutent à radio, puis à TV. Il fait rouler l'économie, Éric Salvaire, c'est ce que tu es en train de dire. C'est exact. Ouais. Soyons Éric Salvaire. Soyons tous, nous sommes tous. Je suis Éric Salvaire. Hashtag je suis Éric Salvaire. Oh ouais, oui, donc justement, nous passions à la conclusion. Pour toutes les données que je vous ai données, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu et d'informations ce matin. Quand on a des chiffres, c'est des éléments plus, peut-être plus lourds à retenir, mais je vais vous faire un mini résumé. On considère en ce moment que c'est la fin de la croissance du temps libre, qui aurait un léger repli aussi. Puis l'importance grandissante de tout ça avec les données, ce serait vu le nombre de la population active versus la population inactive. Que le temps de travail avait augmenté contrairement à nos attentes prévues pour les années à venir, quand on était entre 1950 et 2000 versus rendu aujourd'hui. Que c'est le travail qui commandait principalement nos heures dans une journée, donc qui influençait la pratique dans le temps libre. Puis que, si je répète un peu ce que j'ai dit tantôt concernant au niveau culturel, donc la France, tout ce qui est repas, tâches ménagères, sommeil, occupe plus de temps dans leur journée. Que les Américains, c'est marqué par leur aspect télévore, donc leur écoute active de la télévision. Et le Québec est vraiment une équilibre différente qui est beaucoup axé sur la pratique amateur puis la pratique sportive. Donc, c'est ironique de mettre de l'avant notre force, qui est souvent un élément qu'on reproche dans la société, mais ça voudrait dire qu'on est aussi sur une bonne lancée, donc ce serait de continuer. C'est des éléments que tu ne changes pas du jour au lendemain. On voit les tendances, on voit les bienfaits qui sont de plus en plus remarqués. Donc, high five, on continue. Non, pas toi, Mathieu. Ah, OK. S'en est fait un à lui-même, c'est quand même pas pire. Ou à Éric Salvaire. Alex, c'est ça, vous savez pas, mais dans le studio tout le temps, parce que je suis Éric Salvaire. Oui! Nous sommes Éric Salvaire. Nous sommes tous un peu Éric Salvaire. Ouais. Donc, quand tu disais conclusion, ça veut dire que c'est terminé, ça? Ben oui. C'est chronique-là. Puis ça veut dire qu'on se revoit juste jeudi prochain. Exactement. À 8h. À 8h. Pour une autre chronique, le loisir bien plus que jeu. Que oui! Merci, Marie-Laurence Audet. Ça fait plaisir. Yeah! High five! Est-ce qu'on ambitionne sur l'iFi? Je pense que oui. Hop. C'est parce que t'étais tout seul, là. Ah, ça, les gens ne savent pas. Il n'y a pas de. Le visuel n'est pas là. Peut-être ben, que moi, nous avons maintenant un visuel. Tout le monde sur leur GPS peut te voir. Avec le micro magique, on peut tout voir, ça. C'est vrai, ça. C'est vrai. Mm-hmm. Ça. Donc, merci, Marie-Laurence. Ça fait plaisir. Tout à l'heure, dans quelques instants, il y aura Sex, mais ça ne devrait pas, on l'a. Mais avant ça, une nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'est ma préférée des nouvelles entrées cette semaine. En général, il y en a 5 dans le palmarès. C'est le Brave Shores. Oh, oh, oh! On écoute World Beneath the Sea. 89 FM, c'est fou! We'll be right back. C'était Brave Shores et leur tellement excellente pièce World Beneath the Sea à Assemblage Rocky. Au retour, on achète des choses dans Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, enfin. Wouhou! Puis assez là, parce que tantôt le poste d'écoute s'en vient. Oui, wouhou! Bis, bis fois deux bis. Ou une bisque. La soupe. D'homard. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes à Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées. On est jeudi matin, le 15 janvier 2015. C'est Stéphanie Paradis. Lusez moi tu plantes. Il nous reste une heure environ. On a gardé Laurent Constantin aussi. Je suis encore là. Il est là, parce qu'il veut, comme nous, dépenser son argent. Si on se met ensemble, là, ça nous fait encore plus d'argent pour acheter encore plus d'affaires. Un si peu on collectif. Ouais, c'est bon, c'est une coop, si on veut, une coop du gadget. Voici ça existe, ça ne devrait pas, là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique des gadgets ridicules trouvés sur Internet. Mm-hmm. On va voir ce qu'on va acheter tous ensemble à la fin de la chronique, peut-être. Commençons avec une tuque. Évidemment hivernale. On nous précise un chapeau d'hiver sur l'article. Une tuque hivernale. Merci beaucoup. Mais qui fonctionne à pile et donc qui va te chauffer la tête. Oh. Peu importe comment il fait froid cet hiver, vous allez pouvoir rester au chaud avec ce chapeau réchauffant de peluche micro-fleece avec une batterie à l'intérieur, un élément chauffant. Ça donne 5 heures de chaleur sur la zone par-dessus les oreilles. À l'intérieur, il y a une batterie lithium-ion rechargeable. On peut contrôler la température avec un contrôleur en dessous un thermostat. Un thermostat. Exactement. Donc, à faible, moyen ou élevé. Et puis, évidemment, le plus élevé va prendre plus de batterie plus rapidement. Ça prend environ 2 heures pour recharger et un adaptateur pour le brancher dans le mur. Donc, tu vas arriver chez vous, tu vas brancher ton iPhone puis t'as de sucre dans le mur. Ça va être génial. Mais je sais pas si tu peux pogner des chocs électriques si jamais il neige. Hey, c'est une maudite bonne question. Si la linge fond dans ta tuque. Ouais, ça rentre dans ta tuque, là, tu meurs d'une électrocution du cerveau. Hey, t'imagines, tu vas passer à l'émission genre mort insolite 2025. Mort de tuque. Mort de tuque. Ah, yeah. Pas de risque de brûlure non plus. Ben, j'imagine que c'est isolé un peu comme une boîte à lunch où tu peux avoir. Ça absorbera pas l'eau. Une thermos. Thermos. Ça va être pratique, réchauffer ta soupe le midi aussi. Hey, oui, si je peux avoir de la soupe tout autour de la tête, ça va réchauffer les oreilles. Ça garderait au chaud au thermos. Mais tu vois quand même, il y a le lobe qui sort. Là. C'est vrai qu'il y a le lobe qui sort. L'orbital, bref. Tout ça, il n'y a même pas l'air à faire frette, là. Il y a juste un chandail sur le dos. Là. Ça, pour vrai, là, ouais. c'est un excellent point. Aux États-Unis, là, c'est pas ma affaire. Là. La température est pas mal moins pire aux États-Unis. Donc, quand tu vas, mettons, chez Future Shop, qui prend ses produits aux États-Unis, puis t'achètes des gants tactiles, c'est ce que j'ai fait il y a quelques années, des gants tactiles pour l'iPhone, parce que bon, t'as besoin d'un gant spécial pour ça. C'est des gants qui sont parfaits pour aller jusqu'à peut-être 5 degrés Celsius. Là, 0 degrés, ça commence à être frette pour les mains. C'est l'automne, c'est des gants magiques, et le printemps. Ouais. C'est ça, c'est des gants magiques, c'est littéralement des gants magiques. Donc, sûrement que le hot-tuck, c'est une tuque pour la température moyenne de... Ouais, tu sais, il y a à peine de la neige. 0-5. Genre, en tout cas. Et juste en passant, pour ceux qui trouvent ça trop cher, je peux aller voir le prix là, du tout. Je peux l'ouvrir pendant que ça charge. Je peux pas trouver ça trop cher. On sait pas combien ça coûte. C'est 99,95$. Et bah, je t'ai pas allé voir le prix, puis ça paraît. Donc, il y a un produit moins cher, Hot Hands Heated Fleece Cap, qui est juste une tuque normale avec des poches à l'intérieur pour mettre les heat packs pour les hot hands, là, c'est pour les trucs pour les mains que ça insère dans tes gants. Donc, c'est pas aussi élégant. Mais, pourrait faire la job pour moins cher. Ben, tu sais. Ensuite, C'est un gadget du futur, je vous dirais, une façon de mettre à jour votre ordinateur, la mettre à niveau. C'est une station de travail avec une souris et un clavier sans touches. Hey donc, boy! C'est un design innovateur, nous dit-on, qui offre les 128 touches normales d'un clavier traditionnel et une souris intégrée via deux dômes sculptés ergonomiques. Okay. Donc, littéralement, c'est que tes mains sont dans des dômes, comme on appelle, à former pour tes mains, donc que tes mains tiennent comme il faut dans les genres de creux et les bosses. Et là, je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais c'est une souris en tant que telle, donc tu peux te promener et tu peux taper avec tes doigts sur les dômes. Donc, c'est deux espèces de sphères, si on veut. C'est un peu comme si tu pognais des tatas. Caroline, que c'est bien expliqué d'une main. C'est mais exactement ça. Et tu peux faire du traitement de texte. Traitement de tits, comment t'as dit? Traitement de tits. Si j'ai bien compris, du traitement de tits. Est-ce que vous avez dit traitement de tits? Je pense que quelqu'un a dit traitement de tits. Ah, je voulais dire texte. Ah! Je suis 399$ pour ce clavier et cette souris sans les touches. Je comprends pas comment ça fonctionne. Pas vraiment moi non plus. Ensuite, on a parlé de comment se réchauffer les oreilles avec une tuque chauffante. C'est une tuque pour votre nez, les amis. C'est un cache-nez. Hey, wow. Thérèse en a tricoté un comme ça dans ta vie. Ah, t'es sérieuse? Elle a fait un cache-nez. Des vrais visionnaires. Claude Meunier, là. Visionnaire. Donc, le nose warmer. Il est connu sous le nom de Cyrano, non? De Cyranose. De Cyranose. Donc, c'est Aunt Mary's Nose Warmers. Il y a entre autres le modèle Soft Kitty, donc une chatte douce. Est-ce que quelqu'un a dit tits? Ensuite, White Sheep, ça c'est un mouton blanc. City Skunk, ça c'est une moufette, donc j'imagine que c'est à moitié noir et à moitié blanc. Et t'as Purple and White, qui lui n'a pas d'animal. Moi, je l'aurais nommé en l'honneur d'une licorne ou quelque chose comme ça, mais bon. Quand même, c'est quand même un petit chapeau tout à fait idiot sur votre nez avec, évidemment, c'est un cône qui va sur le bout de votre nez avec même les petites oreilles puis le nez de la souris et les petits yeux colorés noirs. Et après ça, t'as des filaments de laine. Filaments, c'est vraiment une grosse corde de laine. Corde de laine, mais tricotée quand même. En tout cas, peut-être pas tricotée, mais au moins tressée. Tressée, ouais. Et ensuite, attachée derrière les oreilles, ce qui doit être, ma foi, tellement confortable. C'est laid. Ah, j'aimerais voir ça au centre-ville là, du Trois-Rivières. Mais check bien si ça va pas être la nouvelle mode. Check bien. On a eu les chapeaux là, de personnages avec qui devenaient un foulard et ça. C'est pas pareil. Ben, c'est dans le même style. Là. Je préfère encore les bonnes vieilles cagoules là, que tu vois juste les deux yeux. Là, pis, Ski ou hold up, tes activités préférées. Laurent. Oui. Ensuite, oui. Ensuite, un petit bloc spécial avec deux gadgets qu'on insère dans les oreilles. Commençons avec les Hush Earbuds. Qui bloque le bruit extérieur, mais laisse les sons importants entrer. Et là, quand on parle de sons importants, on parle bien sûr des sons de votre téléphone cellulaire. Donc, le seul but que vous avez pour avoir le silence, quand vous voulez avoir le silence, bref, finalement, c'est d'éliminer la plupart des sons dérangeants. Donc, c'est ce que ça va faire. Ça va masquer ça. Et ça va... donc, c'est des foams, des mousses, évidemment, comme les bouchons normaux, qui vont vous isoler de votre extérieur pendant 10 heures à la fois. Et il y a des sons préinstallés qui vont eux passer dans les écouteurs, parce que c'est des écouteurs. Donc, okay. Tu peux te diffuser toi-même du white noise. Il y a plein de... Là, je n'irai pas dans les détails techniques, vous pouvez aller lire là-dessus, mais le brown noise et le pink noise... Le brown noise, c'est quand tu fais caca, ça? Ça, c'est pour masquer, pour pas que tu t'entendes toi-même faire tes besoins. Non. T'as les vagues de l'océan, de la pluie dans une forêt, t'as un ventilateur, apparemment, ça aide les gens à dormir. Ah, je pensais que c'était des fans. Wouhou, let's go, dors bien! Les alouettes, je sais pas quoi. Du son de feu de camp. Un petit ruisseau, là. Des chutes d'eau. Là, il y en a pas mal qui se ressemblent entre chutes d'eau, vagues vers l'océan. Mais bon, il y a une certaine différence entre chacun. Et des éclairs, ça, c'est vrai que ça aide les gens à dormir. En tout cas, moi, ça m'aide. Par contre, Hush est connecté à votre téléphone. Ben, pas par contre, mais bref. Hush est connecté à votre téléphone. Il y a les notifications présélectionnées qui peuvent passer aussi. Donc, vous allez avoir vos messages textes, vos trucs comme ça, dans vos écouteurs, dans quand vos bouchons. Dors, c'est tellement agréable. Ben, c'est que c'est pas seulement quand vous dormez. Dans le tympan, comme ça, ça doit être... c'est fait pour pas être trop fort dans le tympan, j'imagine. Mais c'est fait pour ceux qui veulent étudier aussi, tu sais. Mettons, t'étudies, tu te mets du bruit de tonnerre et tes notifications, mettons, de messages textes importants, ou tes appels d'urgence peuvent passer quand même. Il peut y avoir mais un certain avantage. Tant qu'à ça, t'as le mode vibration sur ton téléphone que tu peux juste te mettre dans les jambes. C'est vrai, si tu te mets dans les jambes, tu pourrais l'entendre, mais moi, j'en ai souvent parlé, je suis sûr que je suis pas le seul là-dessus, mais jamais, jamais j'entends la vibration de mon téléphone. Jamais. Mais non, tu l'entends pas, tu la sens. Je la sens pas du tout. Si tu le mets sur le bureau à côté de là, toi, oui. Quand tu tapes, tu le sens. Ça, c'est le, mais dans mes poches, je l'entends pas. Ben moi, c'est ça, si t'as des écouteurs que tu veux travailler, ben juste la vibration à côté devrait être suffisante. Ça, c'est un bon point quand même. Et donc, si vos bouchons tombent de vos oreilles quand vous dormez et que votre alarme sonne pendant plus de 30 secondes et que vous l'annulez pas, Hush va savoir que c'est tombé et va permettre au téléphone de sonner quand même. Donc, il a vraiment pensé, on dirait, oui, à tout, je trouve. Oui, après 30 secondes, une fois que la personne a eu le temps de raccrocher trois fois. Ouais, mais c'est plus l'alarme pour le réveil, je pense. C'est plus ce qu'ils veulent dire ici, l'alarme du réveil okay, matin. Okay. Donc, un concept quand même assez cool, je trouve. 115$ sur Kickstarter, bien sûr, pour avoir une paire qui va être livrée en mai 2015. Je trouve que le marché des bouchons pour les oreilles pourrait être quand même un marché à explorer. C'était pas une blague. Qu'est-ce qu'il y avait? Ça, un gros marché pour les bouchons d'oreilles. Ok, c'est, ouais, j'avoue que ça pouvait avoir l'air sarcastique, mais je trouvais ça quand même bien. Je sais pas, moi, je suis vraiment pas interpellé par ce produit. J'avais le droit de me juger. Ensuite, continuons dans un même marché avec les Dobbs Earplugs qui bloquent la plupart des sons, mais pas tous les sons. Ah. Donc, si vous êtes dans un environnement bruyant, vous avez peut-être considéré, par exemple, à un concert ou ceux qui travaillent dans d'autres domaines qui font du bruit. Où ça fait du bruit, Pierre? Bref, des bouchons pour les oreilles, une bonne façon de se calmer un peu de l'environnement extérieur. Mais vous voulez peut-être pas bloquer le son des voitures qui vous klaxonnent ou quelque chose comme ça. Donc est-ce que tu conduis vraiment mal? Vraiment. Donc les Dobbs Acoustic Filters Advanced Tech Earplugs, hein? Les Dobbs A-F-A-T-E, A-Fatty. donc sont particulièrement faits pour baisser le bruit en général de tout ce qui se passe de dehors là, de 12 décibels environ, tout en préservant la fidélité sonore pour pouvoir reconnaître ce qui se passe autour de vous. Donc les oreilles n'auront pas aussi mal et vous n'allez pas perdre vos sens avec trop de bruit autour de vous. Donc ça coûte environ 25$ ces bouchons Dobbs. Ça pourrait être bien, je vois ça, ça me fait penser, je vois ça souvent au gym. Il y a souvent des femmes qui trouvent que la musique est trop forte dans les cours en groupe, ils s'amènent des bouchons. Fait que je pense que ça pourrait être quelque chose adapté justement pour ce genre d'activité-là. Tout à fait. Donc, tu vois, il y en a pour tous les gens dans les bouchons d'oreilles. Là. Fait qu'il y a un marché pour ça, Laurent Constantin. OK, il y a un marché pour les bouchons d'oreilles. Bon. Ça, je trouve que ça peut être intéressant. ensuite, t'as peut-être une collection, vous avez peut-être une collection de jeux de société qui s'empilent dans une bibliothèque ou dans une armoire ou dans un garde-robe. Oui. Et c'est pas, ça tient mal, premièrement, parce qu'ils sont pas tous de la même grandeur. Uh-huh. Et vous savez pas si vous les mettez à l'horizontale et là, vous allez avoir de la difficulté à enlever en dessous de la pile, comme au Jenga. Ou encore, vous allez les mettre à la verticale, puis ils sont pas tous de la même longueur, puis ça tient pas sur la tablette. Bon. Puis le couvercle haut, fait que là, tous les jetons tombent à terre. Je te tombe dans ma tête. C'est ça. Je te tombe comment? Tits, hein? Okay. une façon d'empiler vos jeux de société dans votre bibliothèque, c'est vraiment cool. C'est des versions vintage qui ressemblent plus à des livres. C'est beau. Donc Hasbro, et là ça, on retourne vraiment chez nos bros de chez Hasbro. Ils ont redessiné les emballages de vos jeux de société classiques, jeux de table, comme je préfère appeler, parce qu'en effet, t'es pas nécessairement obligé de jouer avec des gens à certains de ces jeux-là. Donc, ben, les jeux de table. La plupart, là, jouer à risque tout seul, c'est assez pathétique. Mais c'est un peu, tu sais. Non, mais quand je joue à clou tout seul, je me promène, là, puis j'accuse tout le monde. J'accuse. Un peu de la parano. Ouais, c'est ça, tu es paranoïaque. Mais moi, un peu, puis là, je fais une parenthèse qui est absolument pas intéressante, là, mais c'est mon domaine préféré. Un peu comme les comédies musicales. Moi, j'appelle ça des musicals parce qu'en tant que tel, c'est pas nécessairement drôle, une comédie musicale, tu sais. Fait que j'englobe musical, non, puis dedans, il y a une comédie musicale, là-bas. Un comédien est pas nécessairement drôle. Ça, c'est un très bon point. Encore un très bon point, mais bref. Je reste quand même à mon idée que j'appelle ça des musicals. Et des jeux de société. C'est en anglais. Si tu joues pas à des jeux en société, ben c'est des jeux de table, parce que ça joue sur une table obligatoirement. Hein? C'est pas genre. Est-ce que le solitaire est un jeu de société? Tu vois, je dirais que non. Pour les gens qui savent pas se tenir en société. Ah ah! Uh-huh. Et voilà. Bref, donc Hasbro qui refait les emballages de ses jeux de société ou jeux de table préférés de façon verticale. C'est facile, tous les jeux vont ensemble, ils ont la même couleur, vous pouvez les afficher fièrement dans votre bibliothèque. Ça ressemble à une rangée d'encyclopédie presque. Ça pourrait être même montré dans un bureau professionnel sans problème. Sont tous exactement pareils les jeux à l'intérieur, comme leur version originale. Tonnerre! On dirait que j'ai des bouchons dans un... Tonnerre de Brest! Oh! Donc, qu'est-ce que je dis? Ça se plie, à la place, les jeux se plient en deux. Pour en venir là-bas. Brest? Tits! Brest! Hein? Donc, c'est ça, c'est des jeux classiques qu'on connaît, mais pliés en deux pour être fonctionnels dans la boîte, pour pas rentrer dedans. OK. Une grande variété de jeux disponibles. Monopoly, Risk, Scrabble, Jenga, Clue, Life, Stratego, Yahtzee. Le seul que je connais pas, c'est Stratego. C'est le seul, ouais. Eh oui, c'est cool. J'ai rarement joué dans ma vie. Tu connais ça, toi? C'est comme un jeu des échecs. C'est comme un jeu aux échecs, là. Mais chaque pièce a vraiment son rôle spécial. Oh! T'as comme une bombe, un capitaine. OK, ça a l'air vraiment complexe. C'est un contre un, là. Cool! C'est sympathique. On jouera une game après l'émission, si vous voulez. Ouais, c'est ça, parce que les jeux de société à la radio, c'est n'importe quoi. Hein? Personne n'oserait faire ça. Clin d'œil. Ben non. Ça, c'est Jeff. Non, ça sent bien. C'est disponible dans des boîtes de bois aussi, ces jeux-là. Et certains feraient d'excellents cadeaux ou encore parfaits pour un collectionneur de jeux. J'adore l'idée. Ah, attends, j'ai oublié de cliquer sur le lien pour savoir le prix sur Amazon. Ça m'intéresse de savoir, mettons, Monopoly, combien ça vaut. Ça doit être abordable. Une boîte. C'est entre 25 et 30... Non, attends un peu. Non, c'est ça, ça m'a amené vers la page des jeux. Ah, ça m'a amené directement à la page des jeux de société en général. Oh. Ah, je pensais qu'il y aurait un lien directement vers la boîte. Attends un peu, je vais essayer chez Target. C'est 30$ pour une boîte. Ben, c'est ça. Là. Non, c'est le jeu au complet en passant. Ça s'appelle... Hey, Colin! Ça s'appelle Hasbro Vintage. Puis ça coûte, en effet, entre 23 et 30$. Entre 18 et 30$ en spécial en ce moment chez Target US. Là, par boîte. Mm-hmm. Mais par boîte. Mais pour un jeu de société, c'est vraiment pas cher. Ben, non, OK, mais t'as le jeu dedans. Ah, je pensais que c'était juste la boîte puis tu mets ton nouveau jeu dans la vieille boîte. C'est vraiment le jeu complet. Par contre, là, on a parlé de boîte de bois. Il y en avait qui étaient disponibles en boîte de bois, mais là, on parle pas des boîtes de bois pour ceux-là. Ça doit être des boîtes, j'imagine, de carton d'apparence bois. Là. Chez Target. Faut quand même pas ambitionner. Chez Target US, j'ai pas la... Yeah. Ben, le site canadien n'a pas d'enjeu de recherche du tout, donc je peux pas aller voir sur le magasin canadien en ce moment. Ensuite, on va retourner se coucher. Pourquoi pas, mais en restant connecté au monde d'aujourd'hui, en s'endormant avec un masque de sommeil Bluetooth. Décroche, là. Décroche un peu. Donc, c'est en mousse et en microfibre douce, ça caresse votre visage. Et les haut-parleurs vous permettent de prendre des appels ou d'écouter des chansons qui vont vous calmer alors que vous endormez. C'est quand même bien, c'est un masque qu'on met sur les yeux pour empêcher la lumière d'entrer, bien sûr. Ben, je sais pas, là, si tu veux dormir, je veux pas prendre mes notifications, hein. Non. Tu vas prendre d'appel, puis un iPod à côté sur ta table de chevet, ça fonctionne. Je suis bien d'accord, mais encore une fois, peut-être que ton alarme te réveillerait sans réveiller ton collègue de lit, peut-être, je sais pas. T'as une alarme dans ton masque? Ben, t'as toutes tes notifications, fait que j'imagine que t'as tes alarmes aussi. De toute façon, mon chum, il l'entend jamais. J'ai des petits oiseaux qui chantent, je suis tout seul à l'entendre. T'as bien raison. C'est bon, t'sais, Steph, je te dirais que j'apprécie ton... ta façon de t'encourager toi-même à ne pas acheter certaines affaires, tu comprends? En vrai, c'est comme tu justifies le non-achat alors que moi, je justifie l'achat des affaires. Ouais. C'est peut-être pour ça que t'as plus d'argent que moi, mettons. Je sais pas. Je dois dépenser ailleurs. Ouais, c'est ça, probablement. Ça, c'est qui vaut. Tiens, j'espère qu'à un moment donné, un des gadgets va t'intéresser. Celui pour ton chat, peut-être. Ton chat aimerait jouer au whack-a-mole, un peu comme quand tu vas à l'expo ou à Ronde. Ah, c'est clair que je le torche. Je suis bonne à ce jeu-là. Whack-a-mole, c'est le jeu avec un gros bâton où tu tapes sur des têtes qui sortent de trous, mais tu sais jamais laquelle, donc tu dois dépêcher tes réflexes. Donc, whack-a-mole cat-toy. Pour divertir votre ami félin, bien sûr, il y a une petite souris bleue qui va sortir par les trous. Ben, c'est toi qui les contrôles, parce que c'est toi qui as le contrôle du bâton en dessous de la boîte. C'est ça la twist de l'affaire, c'est toi qui mets la souris où tu veux pour essayer de frustrer ton chat. Donc t'es comme coupable de son peut-être ses problèmes qui vont devoir être réglés par un psychologue pour chat plus tard. Ben non, il peut l'attraper là. Tu peux le laisser l'attraper en plus si tu veux. Il peut l'attraper, c'est pas comme si c'était un petit pointeur laser. Exact. Ça, c'est perturbant. C'est vraiment chien ça. Donc 9,99$, ça a l'air d'être une boîte de bois, mais je suis pas sûr si c'est du carton ou du bois. Mais pour vrai, ça, je trouve ça cool. C'est quand même une bonne impression. J'ai l'impression que ton chat, une fois qu'il devient plus bébé chat, là, le désintérêt total pour la chose. T'es sûr de ça? Moi, elle court encore après sa queue. Là. Ah! Elle est vraiment conne. Un peu folle. Chaque chat est tellement différent. Une nouvelle caméra de la part de Polaroid qui permet d'imprimer vos photos et les envoyer directement sur Instagram. Et la particularité, c'est que l'appareil photo est lui-même de la forme et de l'apparence de l'icône. C'est le logo de... C'est clairement inspiré du logo d'Instagram. Avec le flash très très gros en haut à droite, le logo de Polaroid en bas à gauche, une petite grille. Je sais pas si c'est pour se faire sortir le son de l'appareil photo quand tu prends la photo. C'est un Polaroid. Un Polaroid qui est strictement numérique, faut le dire. C'est un Polaroid numérique en effet, sauf que ça vous permet d'imprimer vos photos. Donc c'est le Socialmatic caméra 14 mégapixels qui se connecte via Wi-Fi pour pouvoir poster vos photos sur Facebook, Instagram ou Twitter. Ça fonctionne avec Android, donc vous allez pouvoir télécharger d'autres applications et fureter les interwebs sur l'écran de 4,5 pouces de diagonale. Ça vient avec une caméra selfie de 2 mégapixels, donc du côté de l'autre côté, le côté avec le logo. La caméra, ce qui est con, là, c'est que si tu fais un appareil photo spécifiquement pour les selfies... Arrange-toi donc pour mettre une meilleure caméra que 2 mégapixels ben en ouais, avant. C'est pas beaucoup. Ouais. Mettez donc 16 mégapixels des deux bords puis qu'elle soit un petit peu plus épaisse. Je veux dire, je vous trouve complètement maillette pour faire ça en ce moment. Oh oui. Vraiment. Bref, c'est ça. Il y a aussi un GPS et un Bluetooth. Donc, un GPS pour évidemment dire où sont vos où ont été prises vos photos. Et ce qu'il y a de particulier, ben, t'sais, Laurent me demandait si c'était une caméra Polaroid classique où la photo allait sortir un peu sur le côté. Oui, mais de meilleure qualité parce que Polaroid, tu t'attendrais à une photo qui sortirait de couleur bizarre, âcre, ouais, un peu, je sais pas trop quoi. Puis que... shake it de Polaroid feature, là. En fait, t'es pas supposé la brasser. Shake. Polaroid dit de pas brasser les photos Polaroid. Ah, ouais. Ils disent que ça va nuire peut-être potentiellement à la photo. Non. Outcast a brisé mon entente. Ben, c'est la faute d'Outcast, je pense que c'est les Black Eyed Peas. C'est Outcast? Outcast. Bref, les photos sortent en effet sur le côté. Donc après avoir pris vos photos, Socialmatic vous permet d'imprimer une photo, mais 2 par 3 pouces, un peu comme la Game Boy Camera dans le temps. Ah. Juste une petite photo format timbre, genre, ben, c'est plus gros qu'un timbre, 2 par 3 pouces, c'est quand même respectable. Non, 3 pouces, c'est pas très respectable. C'est la moitié de 6 pouces, maintenant? Fait que peut-être. C'est un. 2 par 3, c'est genre. Fait qu'un. Un 5 x 8 cm, pas un paquet d'allumettes, pas un paquet de cigarettes. Un paquet de gomme. Un paquet de gomme? Qu'une idée. Un paquet de ville. Donc, sur Malik, avec assez de papier pour 10 impressions, va vous coûter 300$! Via Photo Jojo. C'est. Ouais, Photo Jojo, c'est Jojo Savard qui a perdu ça. Vous pouvez augmenter à 110 pour 344$, un paquet de 25 feuilles pour 25$ ou un paquet de 2 paquets. En tout cas, bref, pour 45$, il y a trop de prix. C'est vraiment cher. C'est trop cher pour rien, ça, ça n'a pas l'air. Ensuite, vous êtes fan des affaires rétro. Vous autres, vous aimez ça vivre dans le passé, les années 70, tout ça, t'sais, le rock, t'es cool, tout ça. Ce qu'on n'a pas connu, là, c'est hot. Si on n'a pas connu, nous autres, c'est particulièrement hot, mais moi, j'aimerais vivre dans le passé récent. Avec des calendriers des années passées. Par exemple, le calendrier de 2002. Hein? Tu sais, en janvier, évidemment, les calendriers de l'année précédente sont à rabais. Les gens, on dirait, en achètent, sinon ils arrêteraient des ventes. Mais il faut aussi. Tu peux les prendre pour les images. Tu peux les prendre pour les images, il faut dire aussi que les calendriers sont cycliques, il n'y en a pas une énorme variété. Donc ça finit par venir. Donc peut-être qu'en 2000, je sais pas, je dis juste au hasard, en 2020, peut-être que ça va être le même calendrier qu'en 2014. Et donc tu vas pouvoir t'en servir en barrant les années dessus, puis sauver ton, je sais pas combien ça coûte un calendrier, parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas acheté un calendrier. Hein? C'est quand même dispendieux, là. Un grand calendrier, une bonne vingtaine de dollars facile, 20-25. C'est ça. Sinon, tu vas à la banque puis donne un calendrier gratis, si tu veux. Ils font ça, ça. Ouais, mais ils sont laids. Ou à la pharmacie, là. Ouais. Mais c'est tout le temps un enfant avec un petit chien puis des grands-parents qui s'aiment sur la plage. C'est vrai. Puis il y a leurs commanditaires dessus, genre un garage local. Bref. Vous pouvez aller voir le calendrier, par exemple, Naked Straight Boys 2011, gars hétérosexuels nus 2011. Playful Pigs, cochon qui s'amuse 2010. Oui, il y en a. Qu'est-ce que Mr. Winkle 2008. Il y en a un paquet d'autres. Les liens sur assemblagerequis.com de tous ces calendriers-là. Et allez vous renseigner sur les années cycliques aussi, c'est quand même assez intéressant. Inutile. Ensuite, on s'en va. Je me rappelle pas si c'est en. C'est le peuple Maya. Maya. Les Mayas? Les Mayas. Quand vous essayez de vous endormir et que vous avez l'esprit troublé, votre cerveau tourne. Ça arrive, vous avez des regrets, des peurs, des moments inconfortables. Il y a une solution, c'est le peuple Maya du Guatemala qui, pour aider leurs enfants à dormir, selon la légende, en fait, les enfants utilisaient des petites poupées colorées. Chacune de ces poupées-là avait un souci, était responsable d'un souci. Et donc, tu les mettais dans un petit sac... en dessous d'un oreiller. Et ça permettait aux enfants de dormir parce que chacune de ces petites poupées-là s'occupait d'un souci. Et de nos jours, il y a encore des poupées faites à la main. Et ça se vend encore assez. Et apparemment que ça fonctionne tellement bien, fonctionne entre guillemets, l'effet que ça donne fonctionne bien, que c'est même conseillé et donné dans des centres médicaux pour enfants. Ah ouais. À certains endroits dans le monde. Donc les Worry Dolls, c'est leur nom. Vous allez porter, Ils sont pas très jolis en effet, là. Ils sont même très minimalistes. C'est un petit bout de laine tricoté, serré. Oh, on dirait pas de la laine, tu sais, l'espèce de fil un peu plastique là. C'est du Fentex quasiment, non? Ouais, genre, on dirait. Ouais. Dans un petit sac et tu mets le sac sous l'oreiller. Il me semble qu'il y avait une pub à la télévision là, où justement c'était comme une compagnie d'assurance. Là, c'était comme deux touristes qui étaient dans ces pays-là, d'Amérique latine. Ils disaient: ah oui, mucho souci, on va prendre toute la table. C'était des petites. Des souvenirs pas utiles. Ouais, c'est ça, exact. Donc ça absorbe vos soucis et vous les regardez dans les yeux, vous transférez vos soucis à ces poupées-là et vous les placez sous votre oreiller et vous vous endormez en paix. Ensuite, évidemment, on était rétro tantôt. Et on va rester rétro et on se rappelle dans les années 90 dans Maman j'ai raté l'avion, c'est dans le premier. Ça c'est le premier. Oui, c'est dans le premier. Le Talkboy Deluxe, c'est l'enregistreuse dans laquelle McCauley Culkin. Non, c'est dans le deuxième. Dans le deuxième. Parce que je me souviens, il cherche les piles à l'aéroport. Ben d'abord j'ai vu le deuxième, je pensais ne pas l'avoir vu. Cool. Donc il peut enregistrer des messages et puis il les fait jouer aux méchants pour faire à croire que ses parents sont là ou je sais pas trop quoi. Ouais, ouais. En enregistrant des bouts de films, quelque chose comme ça. Bon. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Donc on se rappelle dans les années 90, on pouvait l'acheter ce gadget-là dans les magasins, il y avait une grosse promotion. Un catalogue Sears là. Oui, oui. Oulala, on l'a jamais eu par contre, on l'a jamais eu. Moi il me semble que je me rappelle avoir vu ça. Peut-être pas que moi je l'avais acheté, mais que quelqu'un dans ma famille l'avait acheté, je me rappelle. Okay. Mais maintenant il est de retour pour 99$. Marty McFly qui est allé le chercher. Peut-être Marty McFly. C'est par la compagnie Tiger. Si je me rappelle bien, c'est la même compagnie qui avait fait celui d'origine, je crois. Okay. Tiger. Donc, plaisir des années 90, avec une cassette, évidemment, vierge sur laquelle enregistrer, qui est fournie avec l'appareil. Ça, c'est quand même bien. Et t'as le changement de vitesse aussi pour changer votre voix, ralenti, accéléré. Donc, un paquet de blagues à faire avec votre famille et vos amis. Le Deluxe Talkboy Take per Recorder pour 99$. Ben, il est assez beau. Ouais, il y a eu de l'inflation à ce niveau-là. Un peu, hein? Un peu. Mais c'est parfait. Je trouve que le prix est bien abordable pour les enfants de jour. Ensuite, chargez votre téléphone avec de l'eau bouillante. Ah! Ouais. Je mettrais-tu pas mon téléphone côté d'un truc qui bout de l'eau proche de même? Jamais de la vie. Donc, la technologie thermoélectrique, ça a l'air complexe. Je l'expliquerai même pas, mais une source de chaleur et un chaudron. C'est tout ce qu'il vous faut pour recharger votre téléphone la prochaine fois que vous décidez de peut-être aller faire du camping, quelque chose comme ça. Donc, avec le feu puis l'eau puis tout ça. Donc, c'est approuvé par Shark Tank. Ça, c'est l'émission de télé qu'on appelle en français là, la bouche du dragon ou lionne. L'œil du dragon. Donc, c'est le PowerPot V Portable Generator de chez Power Practical. Ensuite de ça, c'est un foulard utilitaire Nanamika. Moi, tu me dis Nanamika, ça me fait penser au petit Nanaimo. Oh oui, les desserts. Malheureusement, peut-être que vous allez pouvoir transporter une barre Nanaimo dans une des poches si vous la mettez dans un sac Ziploc. C'est quoi ce foulard-là? C'est ça, c'est quoi ce foulard-là? C'est un vide-poche autour du cou. Donc, c'est un vide-poche autour du cou. C'est exactement ça. In. Nanamika. Donc, c'est l'accessoire parfait pour l'hiver. C'est le Utility Muffler. C'est donc fait d'un tricot léger en black pattern, genre un genre de black watch, comment qu'ils appellent ça? C'est comme un genre de quadrillé noir foncé. C'est un tartan. Un tartan. Tellement. Excellent avec de la viande. C'était un tartan. Oui. Donc, comment? Compartiment à zip. Cuiré et tout ça, c'est un peu comme porter une poche autour de votre cou, tu l'as dit, de l'argent, une carte d'identité ou deux, quand vous allez au dépanneur, mettons, vous voulez pas transporter votre portefeuille, toutes vos affaires, mettez ça dans votre petite poche de foulard. Ah, dans tes poches de manteau. Dans tes poches de manteau. C'est la compagnie Snuggy qui fait ça. On dirait. Tellement. C'est vrai. Donc, c'est ça. Laissez faire votre portefeuille. C'est chez Anne Clothing pour 75$. C'est vraiment cher. C'est vraiment inutile. C'est le double d'un foulard normal de qualité. T'sais. Ensuite, j'aime des fois parler d'attrape. J'aime ça parler d'attrape Nigo. C'est une pilule qui vous permet de grandir. Ah, oh, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Comme dans, je crois que c'est Charlie la chocolaterie. C'est de la drogue aussi. Dure, ça. Hein? C'est de la drogue dure, ça. De la drogue dure. Donc, c'est ça, il y a des chirurgies pour faire allonger vos bras et vos jambes. Ça, vous savez, ça existe. Ça a l'air un petit peu disproportionné. peut-être un peu. Si vous avez un désordre hormonal comme l'acromégalie, peut-être que vous, c'est bien facile pour vous de grandir sans cesse jusqu'à l'âge adulte et plus encore. Mais une fois que tout est fusionné, vous pouvez prendre la pilule Grotal, bien sûr, qui dit, selon les commentaires des consommateurs, des clients, sur Amazon, hein, où c'est coté 3 étoiles et demie sur 5. Quand il y a eu 3 étoiles et demie? Oui, selon 10 critiques de consommateurs. Hein? Il y a seulement une cote à une étoile. 4 bouteilles de pilule à 800 mg, 100% naturel, 30 capsules par bouteille, pour 100$. Ça s'appelle Grotal. Je suis pas sûr. On prend 2 capsules par jour. On va pousser entre 1 et 6 pouces en tout, si on en prend 2 par jour. 100% naturel, comme je disais, ça est fabriqué au Royaume-Uni, vendu exclusivement par AAABBCCC Deal sur Amazon. Ça a l'air crédible, je trouve. Voyons donc. Grotal. Ensuite. 100$. 100$. Mais c'est pour 4 bouteilles. 2 fois par jour. 30 capsules. Ça va durer 2 semaines, une bouteille. Comment, en 2 semaines, tu prends 6 pouces, c'est ça? Ça dit pas en combien de temps, par exemple. Peut-être que c'est à vie. Je sais pas. Ensuite, tant qu'à acheter des choses vraiment inutiles, vous allez avoir besoin d'un plus gros bain, je pense. Un peu comme dans Jaws quand il disait on va avoir besoin d'un plus gros bateau. Ici, on a besoin d'un plus gros bain pour conserver notre Giant Inflatable Rubber Ducky à 223,71$. Hein? Donc, un gros canard de plastique juste pour vous. Bravo. Ensuite, c'est des yeux qu'on peut coller sur ses fruits. C'est des yeux qu'on colle sur un frigidaire ou qu'on colle sur différents indices. Des yeux sur des roches, une pet rock, une roche de compagnie, comme dans les images de Sex Pistols répond là sur assemblagerequis.com. C'est des yeux qu'on colle sur des fraises et n'importe quel autre fruit pour les faire manger à vos enfants, peut-être. Disponible pour 14$ par emballage. Ça vient avec différentes expressions pour vraiment, là, vraiment donner des intentions à vos fruits, des intentions que votre fruit n'a pas. Je m'excuse, mais hein? Si moi, t'avais mis ça sur mes fruits étant petite, je les aurais pas mangés. T'aurais eu peur. Non, j'aurais pas eu peur, j'aurais voulu les câliner. Cute. Oh! Ça leur aurait donné des émotions. Oh! Moi, j'aurais été incapable de manger ça, là. T'as raison, c'est des fruits anthropomorphiques. Tu peux, monsieur patate, c'est monsieur fraise. Exactement, mais sauf que t'as juste les yeux. Si tu peux avoir les oreilles, la bouche, le chapeau, les bras, ouais. T'as tout sur des brocolis aussi. Oui. Mange tes brocolis, il y a des petits yeux sucrés. Mais non, justement, il est gentil. Ah, Barack Obama. Le brocoli de Barack Obama. Laisse donc faire. Ensuite, pour l'autodéfense, Steph me regarde avec un regard de dégoût. Autodéfense, si vous êtes une personne qui a besoin d'une canne pour marcher, mais que vous vous sentez pas en sécurité lorsque vous marchez. Ben tu donnes des coups de canne avec une canne en aluminium. En aluminium? Aluminium. Donc avec une ou deux mains, vous permettant de vous protéger contre les attaquants dans la rue. Je comprends pas, c'est quoi les ça l'explique pas dans l'article, hein? Les trucs à côté, on dirait des... Ben des balles. Des cartouches, balles. Ouais. Cartouches de quoi? Ben de fusil. Pauvre. Ben je sais pas, peut-être que tu peux tirer avec ta canne. Ben c'est ça que j'aurais aimé que l'article me dise. On va aller voir sur Amazon, attention. Sur Amazon, qu'est-ce que ça nous dit? C'est plus qu'une canne. La K-Bar TDI Self-Defense Cane vous donne un outil de défense de backup. Avec le bonus qu'on peut être dans des endroits où les armes à feu et les autres armes sont proscrites. Donc en effet, tu peux tirer avec ta canne. C'est n'importe quoi. Il me semble que c'est essentiel de le dire dans l'article d'origine. Mais bon, ouais, c'est quelque chose, hein? C'est 80$, je suis sceptique. Ben moi aussi, de plus ça en plus. Ça t'explose dans la face. C'est moi, fait, j'ai dit de façon... Dans la fesse. C'est fait d'aluminium et de poudre de fusil noir. La canne mesure 39 pouces. Peut être coupée plus courte pour fonctionner avec n'importe qui. Mais ouais, OK. Mousquet. Ben ouais, ça ressemble un peu aux vieilles armes. Mousquet. Mousquet. C'est pas comme un fusil, mais c'est comme, c'est comme un canon miniature, finalement. Tu sors ton silex, là. Ouais. Ouais. Eh ben... pour 81,85$. Hey boy. Ensuite, un loofah dans la douche. Vous savez ce que c'est un loofah? C'est la petite mousse, là. Ben, pas mousse, mais c'est plus rugueux. Ça vous permet de vous frotter les peaux pour mortes. Pour t'exfolier la peau, les peaux mortes en dessous des pieds, par exemple. Donc, on peut essayer ça partout. Un peu partout, mais je dis par exemple, mettons tu mets par exemple, partout. Je veux dire, t'as pas besoin de donner un exemple de partie du corps, tu peux le prendre partout. Oui. Donc, tu pourrais coller ton loofah au fond de ton bain puis frotter les pieds. Ici, c'est un peu le même genre. Non. Sauf que c'est un octa-loofah. C'est un masseur, loofah et haut-parleur en un. Ça m'écœure. En un seul objet. Ça ressemble à une pieuvre, genre, ou un papillon. Il te parle pendant qu'il te masse. Ben, il te parle. J'imagine que c'est plus pour faire jouer de la musique. Donc, ça a 8 pattes. C'est votre meilleur ami lors de l'heure du bain. Hein? Et chaque bain sera un plaisir parce que tu vas avoir des massages. Non. De pieds, mettons. Oh. La fonction, c'est pour déstresser, c'est ça. Et on peut augmenter le volume pour jouer des chansons. C'est ça. Le Octo Loofah, c'est présentement en train de ramasser de l'argent sur Kickstarter. On demande un minimum de 39$ pour avoir votre propre Octa Loofah. Il y a un gars tout nu dans la douche dans la vidéo. Ah, tu vois, je regarderai pas. Ensuite, pour. Lui, il est accroché sur son mur. Ah! Son chest. Ah, sur son mur, c'est une bonne idée pour le massage, par contre. J'avoue. Moi, ouais, c'était pas. C'est pas mis par terre. C'est pour ça que mon exemple de pied était peut-être pas approprié. Bon. T'as peut-être raison. Pour ceux qui travaillent dans le garage et qui ont tendance à perdre leurs vis et leurs clous, hein, vos bolts et les autres affaires, les autres trucs qu'on a à garder proche de soi, mais qu'on va pas mettre dans sa bouche nécessairement parce que ça pourrait nous faire mal, c'est un bracelet magnétique. C'est comme une montre avec un réceptacle. Attaché dessus et tu mets des affaires métalliques dedans et ça tient pour 18$. Ah, au Dollarama, là, ils vendent des petits plats magnétiques, sauf qu'ils s'accrochent pas à ton poignet, mais ça coûte une pièce. Ouais, ça dépend parce que, ouais, j'avoue, c'est ouais, ça ah, pourrait c'est, être ça. C'est du matériel solide, ça, là. Ouais, oui, c'est pratique, Dollarama. C'est une qualité. Non, non, au Dollarama, il est en métal. Ça, c'est en plastique, ton affaire à 18$. Hein. C'est du beau plastique bleu, pareil. Ouais. Ouais. L'apparence d'envie, des fois, ça. Et on va terminer avec ça, tiens, pourquoi pas. C'est pour générer de l'électricité alors que vous faites vos exercices. Ah, j'aime ça. Nécessaire, c'est une génératrice pedal power generator. Donc un appareil ultra portatif avec des pédales de vélo, ça va être facile de recharger vos appareils, tous vos appareils bien sûr. Ici on a branché un iPhone et puis on pédale, ça donne du courant. Je sais pas à quel combien de temps ça va prendre, il n'y a pas de charte de tableau pour nous montrer combien de temps ça prend pour un téléphone standard. Mais ça coûte 195$. Ce Leg Generator, Kator Power Box 20 Watt Pedal Generator Emergency Charger, Any Portable Devices Charger, can charge the 12 volt battery, lightweight, strong polycarbonate plastic. C'est son nom sur Amazon, si vous le cherchez. C'est ça son nom. OK. Ça se plie en passant pour être tout à fait petit et portatif. Et ça peut être vissé pour être plus stable. Et ben... voilà, c'est tout pour ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir, c'est un cochon USB. OK. Avec des petits cochons qui allaitent. Okay. Fait qu'ils se font allaiter, c'est toutes des entrées USB. Ouais. Vive les choses qui pourraient vous intéresser sur Amazon. Voilà, les liens sur assemblagerequis.com. Alors, on prend une pause au retour. C'est le poste d'écoute avec Stéphanie Paradis. Oui! Enfin! On termine la semaine dans quelques instants. Et juste après, ça va être Génie en liberté. Alors, restez là. Excentricité. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. C'est Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. Il est 9h06 en ce jeudi 15 janvier. Stéphanie Paradis est là. Oui, Mathieu Plante, toujours là. On a toujours Laurent Constantin qui se met toujours le plus loin possible de son micro pour avoir à faire des contorsions pour se rendre. Toujours là, hello. Pour faire des contorsions. Pour se rendre. Et maintenant, c'est le moment de découvrir un peu de nouvelle musique en partant à l'aventure. Voici le poste d'écoute. D'Assemblage Requis, c'est le nom complet. Ouais. Comme Mathieu vient de le dire, vous êtes au poste d'écoute à Assemblage Requis. Au poste d'écoute à Assemblage Requis, yo! Yo, ghetto! Ghetto Blaster! poste de la nouvelle musique. On aurait besoin d'un Ghetto Blaster. Exactement, exactement. C'est quoi ça, le poste d'écoute? Moi? Ben moi, je fouille dans les nouveaux arrivages de musicales, bien entendu, assez fou. De rythme, rythme FM, non, de C'est fou, t'es... Oui, seulement assez fou. OK, OK. J'essaie de m'en tenir assez fou. Merci. Parce que j'aimerais ça faire jouer la bonne musique. De la bonne musique, tu veux dire. Oh, ii. C'est quoi j'ai dit? T'as dit écouter la bonne musique comme dans... Ouais. Non, de la bonne musique? De la bonne, qu'est-ce que... Est-ce que ça se fait toujours sans discrimination ou... Non, on est toujours... Est-ce que tu choisis ou tu vas au hasard, les yeux fermés? Non, je fais une pré-écoute de pas mal tout ce qui pourrait être intéressant. Honnêtement, j'écoute pas de rap dans ce qui arrive. J'écoute pas de... Pas vraiment de blues. Punk. De... Le dernier disque de Cain, ça a-tu passé au poste d'écoute? Non, je vais faire découvrir de la nouvelle bonne musique. Ouais, de la nouvelle bonne musique. Nouvelle et bonne. C'est deux facteurs. Oh! Deux facteurs. Oh! Sont très importants. Les deux sont indissociables, finalement. T'sais. Ouais. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous présente le premier album complet de Viet Cong qui s'appelle, de façon originale, Viet Cong. Ah, je ne me serais pas attendu à ça. Donc, Viet Cong est un groupe indie rock canadien formé à Calgary, en Alberta, pour ceux qui seraient peut-être moins bons en géographie. Mettons. Dans les capitales, depuis seulement 2012, donc c'est quand même récent. La formation est composée de Matt Flegel à la basse et à la voix, de Mike Wallace à la batterie, Scott Monty Monroe à la guitare et au synthétiseur, et Daniel Christensen à la guitare. Donc le style de Viet Cong a aussi été... Le style de Viet Cong a aussi été décrit comme du... post-punk labyrinthique. Labyrinthique. Labyrinthique. Ah. Ils font beaucoup de labyrinthite, là, c'est dur pour l'oreille, c'est ça que tu peux dire? Non, ça c'est la pyrotite. Non, ça c'est le titre. Non, la ça c'est la pyrotite. Hein? Bref, on s'en va de maintenant en musique pour arrêter tout ça. Et on s'en va entendre Newspaper Spoon de Viet Cong. Dans le poste d'écoute d'Assemblage Rookie. poste d'écoute. Bunker Buster de Viet Cong. Et tout juste avant, dans le même bloc, c'était Newspaper Spoon. Et tout ça, c'est au poste d'écoute à Assemblage requis. Je pense que clairement, c'est différent de ce que tu nous présentes d'habitude. Oui. Très différent. Ça, c'est très labyrinthique. Oui, vraiment. Donc, Viet Cong, je pense que t'avais envie qu'on décrive quelque chose. Oui, oui. On décrit la pochette? Moi? OK. Donc, sur la page... Aïe, je viens de voir. C'est évident? Je viens de voir ce que c'est sur la page... Sur la pochette principale de devant, on voit des mains ensemble. Et je crois voir une paire de ciseaux dans la main de la personne ici. En train de couper le doigt de la personne à côté. Est-ce que c'est vraiment le doigt ou le bandage? Ouais, peut-être le bandage. C'est plus un bandage, en effet. Alors, j'avoue, le bandage qu'on voit un petit peu sur la main de doigt. Tout ça en noir et blanc, très, très sombre. Oui. Donc, c'est difficile de voir vraiment qu'est-ce qui se passe. En arrière, rien de bien spécial. Des bandes et de la peinture, un peu. Peinture blanche, tout ça noir et blanc. À l'intérieur, par contre, c'est très coloré. Ah. C'est encore le système des bandes avec différentes images qu'on n'arrive pas trop à déterminer qu'est-ce que c'est, mais des bâtisses, peut-être des statues. C'est comme des lanières de différentes images à coller ensemble. Du bricolage de lanières d'images, mais qu'on sait pas nécessairement qu'est-ce que c'est. Je pense pas qu'on est supposé savoir non plus vraiment qu'est-ce que c'est. C'est juste là pour être coloré, on dirait. Un rapportage d'images. Un rapportage, exactement, de bricolage, comme du scrapbooking, mais vertical. Et puis sur les derniers panneaux en dedans, c'est simplement de la couleur mauve et orange, qui sont des couleurs récurrentes aussi dans le montage photo du milieu. Uh-huh. Orange et mauve, il y en a quand même pas mal là-dessus. Et c'est ça, l'extérieur est noir et blanc. Et ça montre le logo de Flemish Eye Records, qui est une espèce de nœud de cravate, je sais pas trop quoi. Ah, de cravate. Mais sur l'album ou dans leur musique, est-ce qu'il y a des références au Vietnam ou à la guerre? Aucune idée. Aucune idée. J'ai pas lu les paroles. Je la vois pas exactement non plus, c'est pour ça que je peux. Ben en fait, les paroles, si tu les veux, lève-la. Sont à l'intérieur de la pochette. Ce qui arrive rarement, hein, maintenant, les paroles dans les pochettes. Ben, c'est même pas dans un livret, en plus, c'est directement sur le carton. Ouais. Non, c'est ça, honnêtement, il n'y a pas vraiment tant de choses à dire sur le band. T'sais, ils n'ont pas de page Facebook, ils n'ont pas de site Internet, sauf celui du label, Flemish Eye Records. Puis il y a seulement une petite page Wikipédia en anglais, parfois lourde à traduire pour moi. Mais sinon, ça parle aussi de la mort d'un des membres du band d'origine et le départ d'un autre. Donc, ils ont un peu refait la formation. Et l'album du même nom que la formation, Viet Cong, va sortir le 20 janvier prochain. Donc, on a une super primeur actuellement entre les mains. Où est-ce qu'on est là? Donc, mais hein. Puis moi, j'ai déjà envie de retourner en musique. Qu'en penses-tu? Je suis bien d'accord. On s'en va entendre dès maintenant pour ouvrir le bloc Continental Shelf. Dans le poste d'écoute, Viet Cong. Yeah. Coin Less Experience de Viet Cong. Et tout juste avant, c'était Continental Shelf. Et tout ça dans le poste d'écoute. Bien sûr, merci Steph. Ben, ça me fait plaisir. On fait le poste d'écoute, on fait l'émission les jeudis vers les 9h. Ça va être malheureusement déjà la fin d'Assemblage requis aujourd'hui. On doit se quitter tout de suite parce que Génie en liberté commence dans quelques instants. Mais le temps de vous dire que lundi à l'émission, on va avoir plein de chroniqueurs. David Ferron, genre, va être là. C'est le seul. Oh. Avec plein de David Ferron. On les a multipliés. Donc c'est lundi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Restez à l'écoute, comme je disais, Génie en liberté à 9h30. Ensuite le dîner de con avec Danny Janvier, créateur de son à 13h. Palmarès du monde à 16h. Une rediffusion du Mathieu Planchot avec moi-même à 17h. 13e étage à 19h et Radio Sonic à 21h. CIF.ca, assemblagerequis.com. Merci Laurent Constantin. Toujours un plaisir. À jeudi prochain. À jeudi prochain. Merci à Marie-Laurence Audet aussi. Merci à toi, Steph. Merci, Mathieu. Et à lundi, on se quitte avec Chocolat et leur nouvel extrait. Méfiez-vous du Bougalou. Bonne journée, bonne fête semaine. Bye.